Restait à traiter la question des poudres. Il s'agissait d'envoyer jusqu'à la Lune un projectile pesant 20 000 livres et de lui donner une force initiale de 12 milliards par seconde. Barbicane propose de remplacer la poudre par de la cellulose tirée du cotonnier mélangée à de l'azote. Ce coton azotique est aussi appelé pyroxyle ou fumicoton. Le pyroxyle, dit-il, est inaltérable à l'humidité. Qualité précieuse à nos yeux, puisqu'il faudra plusieurs jours pour charger le canon. Mais nous n'aurons que 400 000 livres de fumicoton, car cette matière n'occupera qu'une hauteur de 30 toises dans la Columbia. Leur plan étant fait, il n'y avait qu'à l'exécuter. Un simple détail, une bagatelle, disait Maston.